Les baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour la même raison que les autres. Dans la forêt de sons où nous évoluons aveuglément chaque jour, on trouve parfois d'étranges créatures à la beauté diaphane, à la voix ensorceleuse, aux gants mappa pailletés, aux serpillères argentées. Laissez-vous prendre par leur étrange mélopée, elles vont vous emmener sur leur balai, en dehors des sentiers battus. Munissez-vous de votre plus beau plumeau et de votre pchit-pchit de vinaigre blanc. Ce sont les baladeuses, le quatrième mercredi de chaque mois, de 10h à 11h30 sur Radio Dio. Aujourd'hui, Sophia ne prendra pas sa douche, mais en revanche, c'est sûr, on va s'inscrire sur la liste du ménage des locaux de Radio Dio. Promis Samuel, on le fait. Aujourd'hui, c'est le printemps, les hormones pépillent, les orteils ont des velléités d'exhibition et certains mollets défilent d'ores et déjà en ville. Qui dit printemps dit grand ménage de printemps. L'heure de se délester des moutons de poussière, des vieux sacs de vêtements oubliés, des vieux trucs au fond du garage de mamie récupérés aux encombrants sur un coup de tête où on se sentait devenir brocanteur quand le monde sera parti en sucette. L'heure est grave, il faut jeter le vieux bol de riz moisi au fond du frigo et peut-être enlever les cheveux du bac de douche. Ouais. Charge mentale, quand tu nous tiens. En 7 ans, la participation des hommes aux tâches ménagères est passée de 37% à 43%, nous dit le laboratoire des égalités. Ouais, c'est pas fou, hein. On a le temps d'attendre que les hommes se réveillent ou pas? Où sont les monsieur propres 2.0? Qu'en penserait Gilles Deleuze? Pardon, c'est obsessionnel. Pas de douche pour Sophia, et puis dès qu'on parle de ménage, y'a plus personne là! Un absent notable quand même, Juliette? En absent notable, on a Yann Parentehen. Alors c'est un documentariste qui a sévi sur France Culture pendant des années, même avant à l'ORTF. Magnifique. Et qui a créé un documentaire vraiment de mémoire qui s'appelle Lulu. Et il a suivi pendant plusieurs mois une femme de ménage, une femme de ménage de la maison de Radio France. Alors ici, nous, on ne suivra personne, puisque vous avez compris, le ménage est collectif. Et bah, cette fois, nous, on passe notre tour, les chanceuses. Alors faisons place nette, ne nous ménageons pas. Rejoignez-nous avec ou sans vos éponges, on vous récure le ciboulot sur Radio Dio. Bah voilà. Ah oui, ça y est, ça y est, ça y est, t'as dit oui, et c'est le plus beau jour de ta vie. Alors que tu te reposes un peu, tu laisses traîner des yeux vagues sur les convives qui mangent, boivent et dansent, et tu repenses à ces 2 années passées, au retour de ce copain, de ton frère, qui avait fini son service militaire, aux premiers regards échangés, au coup de coude des copines, avec fou rire entendu, plein de sous-entendus, à la meilleure amie qui veut tirer les vers du nez, tu revois les petits sourires de ce gaillard un peu gauche, mais bien mignon quand même, le flirt, ta mère qui te dit qu'il a l'air bien et qu'il a une bonne situation, ton père qui dit « c'est bien ». Tu es fatigué. Il propose alors de te ramener à la chambre, qu'on peut bien laisser les invités se débrouiller tout seuls 1 heure ou 2. Tu dis « oui, oui, bien sûr ». Vous montez le plus beau jour de ta vie. 20 minutes plus tard, il redescend, tu t'endors. Lorsque tu ouvres à nouveau les yeux, la fête est finie depuis longtemps, tu es chez toi. Chez lui, chez vous, car ça y est, c'est fait, tu t'es installé, tu es en ménage, ton mari, oui, ton mari est parti travailler, ton mari. Ah, tu fermes encore un peu les yeux pour profiter de cette pensée heureuse, et puis tu te lèves, tu regardes ta nouvelle chambre, elle est remplie de paquets emballés, tu en connais quasiment tous les contenus. La cafetière électrique de ta sœur, la cocotte en fonte de ta tante, les assiettes de ta grand-mère et encore tout le reste à déballer.

On enlève les A, hein, mais c'est pas parce que la première lettre de l'alphabet qu'il faut faire le malin, là, le A, là, voilà, et ça fait... Mmh. Ah voilà, c'est mieux. Hein, ouais. Donc, vlaissance, voilà, Et le travail, et voilà. Donc nous effectuons les tâches en fonction de la personne. Donc tout ce qui est essentiel, cuisine, sanitaire, chambre, voilà. Après on voit un peu plus si on a plus de temps au niveau du linge, du repassage, remettre d'aplomb, comme on dit, certaines pièces en fonction des besoins de la personne et de ses capacités. Et on sollicite aussi la personne pour faire avec. Je m'appelle Karima, je suis auxiliaire de vie depuis 20 ans. Je m'occupe de plusieurs personnes à la fois et surtout de personnes âgées. Et là, je suis tombée sur une personne qui est pas âgée, qui a 50 ans, qui a été transplantée du cœur, qui a pas mal de pathologies, mais c'est une personne... Vraiment, quand vous arrivez, elle vous accueille comme si c'était quelqu'un de la famille. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Asseyez-vous 5 minutes, on va se présenter, on discute. Et là, elle m'a raconté toutes ses pathologies, tout ce qu'elle a. Je m'appelle Myriam. J'avais une autre vie professionnelle que je travaillais. J'étais animatrice et je travaillais à mi-temps. Et pour arrondir mes fins de mois, j'ai travaillé dans une entreprise une heure ou deux heures de ménage. Et on m'avait emmenée dans une entreprise où il n'y avait que des hommes. Donc c'était une entreprise où c'était des transporteurs. Donc chaque homme avait son bureau. Et la première fois que je suis rentrée, donc je voyais qu'il y avait des hommes qui étaient propres, d'autres non. Et il y en avait un, je me suis pris la tête avec un. Mais ça, j'en garderai toute ma vie parce que... Je ne sais pas si parce que j'étais une femme ou parce que de faire le ménage, c'est un travail ingrat. Et chaque fois que je faisais son bureau, il me laissait sa poubelle, un bol de café. Et quand je mettais ma main, je trempais et j'avais ma main, toute dégueulasse. Son bureau, il me laissait, à cette époque-là, les gens pouvaient fumer. Comme on dit, c'est du ménage au quotidien. Donc essentiel, cuisine, donc ça veut dire plan de travail, vaisselle, plan de travail, mon sanitaire, pour avoir des sanitaires propres, donc WC, salle de bain, chambre, les lits, voilà. Avoir des draps propres aussi. Et donc après... On va s'attaquer à ce qui est poussière, aspirateur, sol, oui aussi. Et après, on va un peu plus faire dans les placards, du rangement, du tri, avec le consentement de la personne et sa participation. Oui, c'est le bien-être qui est important. C'est une personne qui a été transplantée du cœur à l'âge de 29 ans. Donc, elle ne peut plus travailler. Rien faire du tout. Elle a une scoliose, des problèmes de dos. Elle est presque aveugle. Donc, il lui faut quelqu'un constamment. On est là pour l'aider, on est là pour la faire sortir, pour faire ses courses. Elle a un chien qu'il faut aller promener tous les jours. Voilà. C'est vraiment un métier. Tout le monde ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, devenir aide à domicile. Donc, s'adapter à toutes les personnes. Voilà. En fonction, il faut qu'on s'adapte, c'est à nous de nous adapter. Voilà. Et en fonction des paramètres de la personne, son caractère, sa façon d'être, sa façon de vivre, comment elle faisait quand il n'y avait personne. C'est vraiment s'adapter à la personne. Mais c'est vraiment quelqu'un d'humain, quelqu'un de sensible, quelqu'un de sincère. Et ça fait chaud au cœur parce qu'elle est très reconnaissante, cette dame. Et c'est pas souvent qu'on nous le dit. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, tout simplement. Merci. Les gens pouvaient fumer, ils me laissaient plein de mégots. Et les toilettes, ils ne tiraient pas la chasse. Et tout ça, ça m'a énervée. Un jour, j'ai rencontré mes collègues, elles qui travaillaient tout le temps. Et je leur ai dit, mais vous ne vous plaignez pas à votre patron, tout ça. Elles me disent, non, on est obligé, si on dit quelque chose, on nous vire. Et à cette époque-là, étant donné que j'étais animatrice, que je m'occupais d'ados et que je travaillais beaucoup avec d'autres associations, je connaissais Madame Néret qui s'occupait des droits de la femme. Et je suis allée la voir et puis j'ai dit, je ne sais pas comment vous dire, mais... nous, les femmes, on est... Enfin, j'ai dit, moi, je fais qu'une heure. Mais je parle par rapport à d'autres femmes qui n'arrivent pas à porter plainte, qui n'arrivent pas à s'exprimer, que les hommes les traitent... qu'on les traitait mal. Et donc, elle m'a dit, justement, il y a un colloque qui a des patrons. Et les droits de la femme par rapport au travail... face aux hommes, tout ça. Et donc, j'ai parlé de mon point de vue, que je ne savais pas si ces hommes-là, cet homme-là, parce que j'étais étrangère, ou parce que j'étais femme de ménage, ou... voilà. Parce que j'étais une femme. Donc, le patron de cette entreprise m'a bien entendue, m'a bien comprise, et il m'a dit, dites-moi, quelle est cette personne? J'ai indiqué le bureau, tout ça. Et ce monsieur est venu s'excuser. Il s'est excusé et je lui ai dit, je travaille qu'une heure, mais c'est humiliant. Vous ne pouvez pas vous imaginer que... d'aller aux toilettes et que vous ne tirez même pas la chasse, est-ce que vous faites ça à la maison, chez vous? Ou est-ce que vous vous vengez de nous? Puisque à la maison, c'est tout nickel, donc là, laissez aller. Quand les poubelles, vous nous mettez du café et qu'on trempe, quand votre bureau, il y a plein de mégots, il n'y a aucun respect. Et il s'est excusé, et le patron... c'est excusé lui aussi. Mais j'ai eu de la chance parce que je connaissais, je peux dire son nom, Madame Néret, les droits de la femme. Mais d'autres femmes, celles qui ne connaissent pas leurs droits, leurs devoirs, tout ça, elles se laissent, humilier à l'extérieur par des hommes, peut-être à la maison par leur mari, et voilà. Donc, c'était égalité homme-femme. Donc, cette expérience de travailler quelques heures de ménage, ça m'a montré qu'il y avait des femmes en souffrance, qu'elles souffraient en silence. Enfin, c'était mon expérience. Et après, l'expérience de ménage à la maison. Et chaque femme a sa manière de faire le ménage, le grand ménage du printemps. Puis parfois, il faut faire le ménage dans sa petite tête. Et après, à la maison, et tout va bien. Voilà. Merci. Merci Morgane, Myriam et Karima, qui viennent de nous parler des travails d'aide à domicile, d'auxiliaires de vie et de femmes de ménage par leurs témoignages et leurs anecdotes. Merci à elles également, qui m'ont accompagnée pendant un mois de vlaissance, enfin de convalescence, vous savez, à Acapulco. Mais ça, c'était en février, pour ceux qui ont écouté l'émission de février. Merci encore. Oui, et donc ça, c'est des personnes que tu as interviewées. Et on peut dire qu'une des émissions qu'on va prévoir... plus tard sera une émission sur l'interview, n'est-ce pas? Oui, alors ça sera en mai, fin mai. On a prévu une émission sur des interviews de personnes qu'on a rencontrées. On ne sait pas encore exactement quel sera le nombre de personnes qu'on interviewera, mais au moins une vingtaine de minutes, une demi-heure par groupe peut-être. Enfin, on verra comment on s'organisera. Et on a prévu d'autres choses encore en avril. On s'imagine une émission assez énigmatique peut-être qui porterait sur le thème du silence. Ah oui, mais c'est pas une raison pour faire un blanc. C'est parce que je suis en train d'essayer de caler le prochain morceau, en fait. Donc c'est... Alors si, vous imaginez qu'en avril, nous aurons plein de silence. Mais ça sera pas des bugs. Ça sera vraiment la construction de l'émission qui sera comme ça, à base de silence. Et vous verrez, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose qui aura quand même une certaine allure. J'ai gagné le prix de beauté cachée. J'ai perdu le compas et la boussole. J'ai gagné une entrée Puerta del Sol. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. Vous êtes toujours sur Radio Dio avec les baladeuses. Juliette est passée à la technique et on va écouter Sophia immédiatement. Les voitures circulent dans la rue. On peut en entendre le flot arriver et repartir au fur et à mesure que les feux de circulation ouvrent et ferment la voie. Bientôt, on ira reprendre sa place, le flux, dès qu'on aura mis ses chaussures ou bu son café, ou renoué son écharpe. Mais tout recommencera dès qu'on aura tourné la clé de la porte de l'appartement, du vestiaire ou du moteur automobile. Dès lors, on n'aura plus qu'à exécuter tout un ensemble de tâches plus ou moins complexes, mais toutes plus ou moins décidées par d'autres que nous-mêmes. Bien sûr, on a bien choisi toute seule, tout seul, on a bien décidé par nous-mêmes de se rendre à tel ou tel travail, de faire telle ou telle course. Mais a-t-on réellement pensé, imaginé et en fin de compte réellement décidé des modalités qui allaient nous permettre de réaliser tel ou tel travail, d'obtenir telle ou telle ressource? Oulala, ça part loin à 11h et quelques, là j'ai même pas l'heure devant moi, du matin sur Radio Dio dans les baladeuses. Mais comme le thème d'aujourd'hui c'est le grand ménage, eh bien c'est ce qu'on va faire, le grand ménage. On va d'abord commencer par mettre un coup de balayette dans tous ces machins encombrants qu'on nous dit de faire parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Si on regarde bien, il y en a un sacré paquet de ces petites saloperies qui se sont accumulées au fur et à mesure dans les interstices de nos vies. Un sacré paquet de ces petites injonctions crasses, crasseuses qui nous gouvernent et nous obligent à commettre tout un tas de petites blessures à nos existences. Car au final, pourquoi par exemple se rendre le plus rapidement possible dans un lieu le plus éloigné possible ? Pourquoi mettre des lieux de rassemblement massif de gens, de production massive de ressources, de stockage et d'échanges? Pourquoi installer tout ça le plus loin possible? Si ce n'est pour justifier et encourager à aller encore toujours plus loin et plus vite pour rejoindre ces lieux. Mais aussi à exécuter de plus en plus vite ce qu'on nous dit de faire. Ce que vous vous sentez obligé de faire, parce que c'est comme ça, pas pensé par vous, pas imaginé par vous, et donc pas réellement décidé par vous. Alors oui, faisons le grand ménage, mettons au rebut, nettoyons, faisons place nette, ménage, ménagère. Ménager, oui, ménager, oui, le masculin de ménagère. Et oui, la langue inclusive regorge de trésors. Ménagez-vous, ménageons-nous des espaces d'hygiène libératrices, ménageons-nous des plages d'oisiveté chaleureuse, ménageons-nous. Détendu. suis emballé. Ça n'est pas tout à fait passé. Les rues noires de monde se sont vidées. Oh, comme tu es déçu. Tu sens la grisaille revenue. Elle n'a pourtant pas recouvert tout comme elle le faisait hier. Et si nous sommes bien inspirés, nous devrions en profiter. Un pain au chocolat ou quoi là? Attends, j'ai pas pris mon petit déjeuner, c'est normal que j'ai pris. C'est quoi le problème? Il faut débarrasser là, ça va pas du tout, il y a des miettes dans le studio de Radio Dio. Non mais enfin! Mais quoi? Mais c'est dingue, déjà pas la douche. C'est la grève du ménage. Il y avait des cheveux dedans, mais enfin quand même, tu nettoies avant et après Sophia, quoi. Nettoie. Vous êtes sur les baladeuses, grand ménage de printemps. Sélectionnez le séchoir de votre choix. Sélectionnez le nombre de cycles souhaités, puis appuyez sur OK. Sélectionnez votre moyen de paiement. Veuillez insérer votre monnaie. Merci. Chargement. Videz vos poches. Déposez votre linge. Fermez le hublot. Sélectionnez le programme de lavage. Tout client qui attend a autorité pour enlever le linge. Pour ouvrir la porte, attendre 10 secondes après l'arrêt total de la machine. Nous ne sommes pas responsables des incidents pouvant survenir sur le linge ou des vols. Sélectionnez la machine à laver de votre choix. Sélectionnez le séchoir de votre choix. Sélectionnez votre lessive. Saint-Simon à propos de Louis XIV. Ces changements d'habits, chapeaux, souliers, perruques et même chemises, deux ou trois fois par jour, étaient la conséquence de l'amour du roi pour ses aises et de sa crainte d'être incommodé. C'était une gueuserie en habits qui n'eut jamais de pareil. Il n'avait qu'une chemise et qu'une fraise. On les reblanchissait tous les jours. Gédéon Talmant de Réau, écrit au XVIIe et publié en 1834. Alors, qu'est-ce qui vous sèche? Qu'est-ce qui me sèche? Je crois que c'est la... la méchanceté. Hein. La méchanceté hein. Gratuite. Ça, ça me sèche, ouais. Et si vous aviez un souvenir d'un moment de si lavage marche, il est où? Ça oui. Combien? Deux. Ok. Oui. Yes. Ah, j'ai pas pris ça. Un souvenir de quoi? Un souvenir de linge lavé. Un souvenir de linge lavé, eh ben, c'est quand j'étais avec ma copine, c'est moi qui faisais la lessive et tout ça, mais ça n'a pas suffi à ce qu'elle s'en aille pas. Voilà, le souvenir de linge lavé. Mais bon, maintenant elle regrette. Eh ben, faut fermer, sinon c'est bien ça. Ah, pardon. J'ai pas l'habitude là. Ça se voit pas. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. C'est quoi les autres questions? Alors les autres questions, c'est la composition. Si vous étiez un vêtement, ouais. De quoi vous seriez composé? Merde, comment ça s'appelle? La toile de jute. J'aimerais bien avoir un vêtement comme ça, ça me gratterait. On peut pas. Ah oui, et vous en êtes à combien de cycles? 61. J'attaque mon 62e. Et sans pré-lavage. Votre habit préféré parmi tous ceux que vous avez portés? Mon zen. Un zen, c'est un tissu qu'on met sur soi quand on fait de la méditation. C'est ce qui m'a ouvert le plus au monde. Alors que t'es enfermé dans, chez toi quand tu fais. Ça s'appelle un zen. Madeleine Béjart, la compagne de Molière, se contentant avec quelques étoffes précieuses de 15 chemises de chambre, dont 7 blanches et 8 jaunes. Recherche sur Molière. D'Émile Soulé, 1863. Question de prix, évidemment. Les chemises fines, en toile de lin, d'Isabeau de Tournon, valent en 1610 chacune 8 livres, l'équivalent de 15 journées de salaire d'un manœuvre. Celle de la reine, qui en 1642 en fait confectionner environ 2 par mois, valent 7 livres. Le chanvre est plus accessible. Les chemises faites de cette toile valent au milieu du siècle environ 2 livres, le salaire de 2 journées de tailleur et de 3 à 4 journées de manœuvre. Bernard de Montbrison, inventaire des habits, bagues, joyaux et habillements de Madame Isabeau de Tournon, 1610. Vous êtes sur Radio Dio. Les baladeuses ont revêtu leur plus belle toile de jute. On passe au programme essorage. Restez avec nous. Tout d'abord, bonjour à toutes les auditeurs et aux auditrices. Bonjour à tout le plateau. C'est moi, Samila. Donc, le sujet aujourd'hui, le ménage ou le grand ménage. Alors, c'est un sujet qui est vaste. Le grand ménage. Le grand ménage, c'est ben, quand on peut débarrasser quelqu'un de sa vie. C'est le grand ménage. On peut faire un grand ménage chez soi. On peut faire un grand ménage, c'est... Voilà, moi, on va partir sur le grand ménage à la maison. Donc, le grand ménage à la maison, ben, faut tout sortir. Grand ménage de printemps, on va dire. Allez, on va parler du grand ménage de printemps. Un sujet que beaucoup connaissent et que beaucoup n'aiment pas, je pense. Personne n'aime faire le grand ménage. Moi, la première. Donc, le grand ménage, eh ben, on secoue tout, on fait la grande poussière. Après, on nettoie tout, toilettes, salle de bain. On fait changer les draps, changer la literie, on change tout. Grand ménage, voilà, on nettoie tout. Après, le grand ménage dans la vie, c'est donner un coup de pied à la fourmilière. et se débarrasser des parasites qui sont autour de soi. Ça peut être aussi par le ménage. Par le ménage psychologiquement ou par le ménage pour avoir un confort et un repos calme. Ne plus avoir des parasites autour de soi. Ça aussi, ça peut être un grand ménage. Grand ménage, ça aussi, j'aime bien ce grand ménage aussi. Celui-là, je préfère ce grand ménage que le grand ménage de printemps. C'est plus facile à se débarrasser des gens qu'à faire son ménage à fond. Après, voilà. Tout simplement, avec le silence, ce qui punit l'insolence. Non. Je suis pas folle. Non. Je préfère avoir gardé le silence plutôt que d'aller vers le conflit. Non, pas du tout, non. Au contraire, je suis peace and love. Donc voilà, après le grand ménage, je sais pas quoi d'autre, le grand ménage, oui, j'ai déjà fait le grand ménage dans ma vie. Ouh là là, je l'ai fait souvent même, le grand ménage dans ma vie. Dans tout mon parcours de vie, j'ai fait le grand ménage, oui. Oh oui, grand ménage, j'ai même changé d'huile, pour dire que j'ai fait le grand ménage. J'ai tout débarrassé, j'ai tout laissé là où j'étais, et je suis partie, et j'ai refait à nouveau. J'ai renouvelé, j'ai tout, voilà. Ça, c'est un grand ménage aussi que j'ai fait dans ma vie. Oui, j'étais employée de maison, j'ai fait du ménage chez les gens, qui étaient très satisfaits d'ailleurs, parce que je suis assez maniaque. Donc, à part une qui n'a pas été satisfaite, parce que je lui ai cassé ça, je lui ai cassé son étagère, j'ai mis trop de force sur... Je suis tellement pressée de faire bien que j'arrive à casser les choses. Donc, j'ai une employée, elle m'a foutu dehors parce que j'ai cassé son étagère. Ouais. Ah, c'est dégueulasse, ça. Faut militer avec moi. Non, je suis pas d'accord. Je lui faisais son ménage et elle m'a viré parce que j'avais cassé son étagère. Les prud'hommes. Oui, parce qu'on peut faire le grand ménage chez les gens et ils sont pas satisfaits. Parce qu'on a donné tout ce qu'on pouvait donner et en plus, c'est pas bien. Voilà. Ça s'appelle des employeurs qui arnaquent la société. Faut faire attention chez qui on fait le ménage, parce que faut faire attention chez qui on fait le ménage et comment on fait le ménage. Simplement, de la javel, un petit peu de produit pour le sol, du vinaigre et beaucoup d'huile de coude. Donc voilà, mesdames, messieurs bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les dames qui doivent faire le ménage. Messieurs bien sûr, mettez-vous aussi un petit peu. Aussi, vous pouvez aider la femme à faire le ménage. Donc écoutez, messieurs, dames, je vous prie de bien vouloir faire le ménage de printemps chez vous et le ménage de débarrasser des gens positifs, négatifs. Il faut rester dans la positivité. Il faut voir les gens qui nous tirent vers le haut. Sur ce, les baladeuses, les auditeurs, les auditrices, allez, je vous en prie, faites le ménage. Allez, ciao, ciao. Thank you. sur les lèvres de ceux qui parlent fort. Leur voix, leur loi me dérange. Vous êtes toujours sur Radio Dio avec les baladeuses. Et camarades baladeuses, auditrices de Radio Dio, il faut que je vous le confesse, je suis un peu hors sujet sur ce coup-là. Je crois que j'avais envie de vous parler un peu d'amour parce que je suis fatiguée de faire le ménage, en fait, moi. Et comme le dit Alexis Pauline Grumps dans son fantastique livre Mammifères marines, l'amour, c'est important. Alors, plus d'amour et moins de scènes de ménage. C'est le printemps. Ou devrais-je dire le temps du mariage des petits oiseaux, même s'il y aurait fort à redire sur cette vieille institution. Disons que c'est le printemps des petits oiseaux et qu'il est temps pour celles et ceux qui en ont la chance de faire le jardin. Alors sur Radio Dio, vous êtes plutôt jardin à la française, jardin à l'anglaise, jardin japonais ? D'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas d'extérieur, mais c'est pas grave car nous sommes tous et toutes concernés par le jardin. J'aimerais vous parler ici du jardin planétaire pour reprendre les mots du jardinier écrivain Gilles Clément. Nous pouvons tous et toutes être des jardiniers et jardinières du monde. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Que tu portes ton attention au pépiment des oiseaux, au magnolia qui s'apprête à éclore, à l'herbe qui verdit, que tu t'émerveilles devant un papillon, et je t'invite à prendre le temps de l'émerveillement si ce n'est déjà fait, ou à remercier les abeilles pour le miel sur la table du petit déjeuner, nous sommes tous et toutes jardiniers et jardinières du monde, même si tu as le rhume des foins ou que le pollen te fait la vie dure. Peut-être que tu as un plant de basilic dans ta cuisine, s'il te plaît, prends-en soin. Ou peut-être que tu as planté des petites tomates sur ton balcon, s'il te plaît, lave-les bien si tu es en ville. Peut-être aussi que tu as un jardin collectif, s'il te plaît, envoie-nous une courgette. Ou peut-être que comme mon amie Aurélie, alias la plus belle et la plus pure cellule du plus beau des cœurs, tu as ton propre jardin. Je voulais vous proposer de partager ces mots à elle parce que j'aime sa manière d'en parler comme la chose la plus importante du monde. Mon jardin, c'est le lien à la terre-mère, nourricière et abondante. C'est le lien avec les saisons, la nature, le cycle de la vie. Et cela fait travailler la patience. Les choses changent chaque jour. Hier, par exemple, il y avait une seule graine de blettes multicolores sortie et à 16h aujourd'hui, il y en avait une grosse dizaine. C'est l'abondance et l'autonomie alimentaire. La serre est mon havre de paix, ma bulle à moi. Vincent dit que c'est ma deuxième maison. Je le vois aussi un peu comme un enfantement. On plante une graine, la nourrit, elle germe et on la regarde pousser à son rythme jusqu'à ce qu'elle donne ses fruits puis s'éteigne, un peu comme la vie aussi. C'est un cercle vertueux. J'y vais tous les jours, particulièrement au printemps où l'énergie est incroyable et cela me recharge. Je fais tous les semis et cette année, je veux récupérer un max de mes graines. Après ces 5 dernières années au ralenti, sans jardin ou peu, I'm back. Un jour aussi, je vous parlerai de la manière dont Aurélie danse dans sa serre pour planter ses tomates ou de comment elle chante des mantras au pastèque. Mais ça, c'est une autre histoire. Le jardin aussi est une affaire de danse et de chorégraphe. Par exemple, Emma Bigé, chercheuse en danse, dit à propos de Steve Paxton, rappelez-vous la petite danse dans l'épisode 1 des Baladeuses ou réécoutez-la. J'ai rencontré Steve Paxton pour la première fois il y a 6 ans. Il donnait une conférence au Smith College, Massachusetts. Et je crois me souvenir que pour l'essentiel, il y parlait de son jardin. Et comment, assis à sa fenêtre, observant les molécules entrer en relation les unes avec les autres, et la pousse lente des plantes, et la fonte de la neige, et le passage des nuages, et l'irruption d'un chat ou d'un chevreuil, il pratiquait l'improvisation. La nature se réveille et je vous invite à réveiller l'improvisateur, l'improvisatrice et le jardinier, la jardinière en vous, ce qui finalement revient presque au même. Vous êtes toujours sur Radio Dio, c'est le grand ménage de printemps avec les baladeuses. Est-ce que vous avez un souvenir lié au linge et à son lavage ? Le linge et le lavage. Comme ça, non. Non, pas spécialement. Je pourrais vous raconter que quand j'étais petite, j'habitais à la campagne et qu'on avait un lavoir. Alors, il servait évidemment plus à laver le linge comme faisaient les femmes autrefois. Mais pour nous, c'était un terrain de jeu. Et régulièrement, on nettoyait le lavoir et après, on se baignait dedans. Ça peut être un souvenir de... Voilà. Je revois très bien mon petit lavoir dans mon village. J'espère qu'il existe encore, qu'ils ont su le garder. Mais c'est celui que je peux vous donner, comme ça, à chaud. Et est-ce que vous avez un habit préféré parmi ceux que vous avez déjà portés ? Alors, quand c'est l'hiver, je dois dire que j'adore les pyjamas en flanelle. Mais parce que c'est l'hiver, là, en ce moment. Et vous, si vous deviez vous définir à la manière d'un tissu, vous diriez que vous êtes composé de quel type de matière ? Alors, je dirais plutôt du lin, parce que ce serait plutôt des matières naturelles. Du lin ou de la laine ? Moi, j'aime beaucoup, je tricote, donc j'aime beaucoup la laine et la pure laine. J'aime beaucoup aussi le lin, c'est une belle matière, le lin. Alors, on n'en voit pas trop dans les laveries, hein. Non. Non. Ah non. Non. Le lin, non. Pour moi, éviter. Ouais. Vous en êtes à combien de cycles ? Vous, personnellement ? Vous voulez savoir quel âge j'ai ? Non ? J'ai 58 ans, je n'ai pas honte de le dire. Mais en fait, les cycles, ça peut être juste des périodes de vie. Des cycles. Ouais, ben, je sais pas, j'ai pas autre chose à vous dire que mon âge. Je suis pas encore dans le grand âge, on va dire. Non. Mais j'ai du vécu. Ouais. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qui vous sèche ? Qu'est-ce qui me sèche ? Le soleil. Hein. Le soleil. Qu'est-ce qui me sèche ? Le soleil et. Peut-être la bouillotte le soir dans le lit aussi. Ouais. Et le lavomatique aussi, quand j'ai besoin de sécher mon linge. L'objet industriel est le produit d'une expérience humaine. Il existe une continuité entre l'acte de lavage des lavandières et l'objet technique, machine à laver. Celui-ci a intégré dans son système d'opération les gestes successifs de ces femmes. Les lavandières utilisaient les propriétés physico-chimiques de la matière pour les adapter à leurs besoins, par l'intermédiaire d'outils qui leur permettaient d'accroître l'action des forces naturelles et du courant des rivières. Lavoir, battoir, produits dissolvants, eau chaude, pour augmenter la puissance de dissolution et d'évacuation des impuretés. Parvenu à sa maturité au XIXe siècle, l'acte de lavage s'est dépouillé de ses représentations mythiques et n'en put conserver que la technicité. Cet événement se produit avec l'organisation du lavage dans les villes, lorsque l'eau se trouve captée dans les lavoirs, renforcée par des adjuvants, savon, soude, eau de javel, boule de bleu, et distribuée moyennant finance. La soumission aux forces naturelles disparaît alors, au profit des réglementations et des rapports marchands. Avec la révolution industrielle, le phénomène s'accentue. Chaque fonction se perfectionne et s'objective dans des objets utilisant des forces de plus en plus détachées du milieu naturel. L'intégration des fonctions dans un seul objet, appelé machine à laver, qui de fait lessive, lave et essore, en même temps qu'il effectue des fonctions annexes telles que l'essorage et le séchage, prit plusieurs décennies. L'acte de lavage était dévolu aux femmes de façon privilégiée dans la quasi-totalité des sociétés humaines, comme étant un travail de nature domestique. Aussi, dans la structure de la machine à laver, même si son histoire a été réalisée par les hommes, s'inscrit une histoire de femme, par le regard qu'elles portaient sur le linge dont elles avaient la charge et par le rôle du linge dans la structuration sociale dans laquelle elles participaient, comme fournisseurs et bénéficiaires de services. La production de la machine à laver comme objet social est organisée aussi par la représentation que la femme a de son rapport à la technique, de son autonomisation progressive par rapport aux tâches domestiques. Machine à laver l'espoir. Machine à laver le ressentiment. Machine à laver la haine. Machine à laver l'oubli. Machine à laver l'indignation. Machine à laver le mépris. Machine à laver l'indifférence. Machine à laver le jour. Machine à laver la nuit. Bon, ben maintenant, c'est pas le tout, mais il faut tout mettre à sécher. L'eau, la laverie. Un reportage poétique sur les éléments et les lieux contemporains. Réalisé par Juliette Bargès, enregistré à Lavomatique au 122 boulevard Valbenoite à Saint-Étienne. Extrait des livres « Histoire de la machine à laver, un objet technique dans la société française » de Quinn Delaunay. Presse universitaire de Rennes, publié en 1994. Et « Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge » de Georges Vigarello, aux éditions du Seuil, en 1985. Tous mes remerciements à Ouria, Alain et Sophie. On vous balade, on vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez les baladeuses. Merci Ouria, Alain et Sophie, les interviewés de la laverie Lavomatique, boulevard Valbenoite à Saint-Étienne, un podcast que j'ai réalisé l'année dernière et qu'on a le privilège de pouvoir diffuser ici dans notre émission Les Baladeuses. Juste un petit mot pour rajouter, je remercierai également Jean-François Mingard, un compositeur stéphanois qui m'a aidé à finaliser le mixage de ces enregistrements. Danse radio guidée. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du jardin, et bien sûr, pour que tout pousse, il faut beaucoup d'amour et aussi un peu d'eau. Toujours dans nos explorations de danse radio guidée, j'aimerais aujourd'hui vous proposer une danse en deux temps. D'abord, vous partager des extraits d'un texte sur l'eau du point de vue d'une philosophe écoféministe australienne qui s'appelle Astrida Nemanis. C'est un texte que vous trouvez en ligne qui s'appelle « Hydroféminisme, devenir un corps d'eau ». Alors, je vous invite à vous remplir un verre d'eau ou à garder votre gourde proche de vous pour écouter un petit extrait de ce texte avant notre danse radio guidée. Nos corps sont des étendues d'eau. Penser la corporéité à partir de l'eau, c'est remettre en cause la vision du corps que nous avons héritée de la tradition métaphysique occidentale dominante. Liquide, notre expérience de nous-mêmes est moins solitaire, plus tourbillonnante, océanique. Aqueuse, je suis une volute dynamique et singulière qui se dissout dans une circulation fluide et complexe. Je nous demande, qu'est-ce que cela fait au féminisme, à ses théories et à ses pratiques, quand nous proposons à nos corps de devenir des étendues d'eau, quand nous nous invitons à devenir des corps qui coulent, qui fleuvent, qui dégoulinent, qui ruissellent, qui traversent l'espace et le temps, qui forment des flaques de matière et de sens. 60 à 90% de ta matière corporelle sont composées d'eau. Grâce à ton corps, l'eau trouve momentanément la stabilité d'une entité individuelle. Mais l'eau a d'autres logiques que celles des corps stables, d'autres motifs et d'autres moyens pour exister sur notre monde terrestre. L'eau est notamment une intermédiaire et un mode de connexion. De même que les courants océaniques transportent tout à la fois la chaleur du soleil, les bancs de poissons et les îles de plastique en décomposition d'une mer planétaire à une autre, de même que nos corps d'eau sont des supports pour des échanges matériels. Les biologistes évolutionnistes Mark et Diana McMenamin disent en ce sens que les corps vivants sont une manière pour l'hyper-mer de sortir de l'océan et de se donner un habitat mobile sur la surface de la Terre. Chaque verre d'eau que tu bois te connecte à l'hyper-mer. En intégrant de l'eau, tu alimentes ton existence par des réseaux d'intimité physique et d'échanges fluides. Tu te mets en contact avec toutes les espèces compagnes qui habitent le point d'eau d'où celle-ci a été tirée, les poux des livres, les choux des marais, les moules d'eau douce. Mais tu entres aussi en contact avec les cuves de sédimentation et les flocculateurs à mélange rapide qui rendent cette eau potable. tu te connectes au réservoir, au lac artificiel et aux nuages de pluie. L'hypermer inclut non seulement la faune et la flore terrestre, mais aussi tout un assortiment de corps d'eau technologiques, météorologiques, géophysiques. En mouvement perpétuel, l'eau est aussi une archive planétaire de sens et de matière. Boire un verre d'eau, c'est intégrer les fantômes des corps qui la hantent. Quand nous soulageons nos vessies, nous rendons à la mer nos antidépresseurs, nos œstrogènes de synthèse et nos excréments. Mais ce que nous rendons également à la mer, c'est le sens qui infiltre ces matérialités. La culture du jetable, la médicalisation, la déconnexion écologique. Les profondeurs des océans portent l'archive moléculaire des aires géologiques les plus anciennes. L'eau retient nos secrets, même quand nous préférions les oublier. De la pluie au tsunami, l'eau fait remonter vers nous nos passés les plus anciens comme les plus immédiats. L'eau soutient nos gestes, notre développement, nos pensées, nos amours. En descendant le long de ton œsophage à travers le sang et les tissus, en passant par tes extrémités, ton index droit, ton fascia plantaire gauche, l'eau s'assure que ton être est toujours un devenir. Chimiste aussi merveilleuse qu'ordinaire, l'eau guide nos corps, de l'enfance à la vieillesse, d'ici à là, de la potentialité à l'actualité. Transformation, transformation, la pluralité prolifère. Facilitatrice, l'eau est aussi le milieu ou l'élément gestationnel qui porte à la naissance quantité de corps aquatiques. Mammifères, reptiles, poissons, arbustes ou graines, deltas ou maro-canards, tous ces corps et toutes ces étendues d'eau sont nécessairement produits par d'autres corps et d'autres étendues d'eau qui se dissolvent partiellement ou complètement pour abreuver les corps qui leur succèdent. À l'échelle géologique, nous venons tous et toutes de la même soupe primordiale. C'est d'espèce aquatique en espèce aquatique que nous nous sommes développés et que de nouvelles morphologies ont donné de nouveaux corps et de nouveaux assemblages. Je vous invite donc à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Nous allons rentrer dans la danse radio guidée. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir ou simplement rester où vous êtes. Je vous invite peut-être à fermer les yeux. Commençons par un petit scan de votre corps, de la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne, puis du sommet de votre crâne à la pointe de vos pieds. Nous rentrons aujourd'hui dans la matière du corps en commençant par une petite météo du jour. Une météo du corps. Commencez là-dedans, à l'intérieur de vous. Restons dans le concret. Est-ce que c'est froid ici, détendu là, jaune ici, rugueux là ? Laissez le corps se connecter à l'imaginaire. Laissez-vous porter. Je vous invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et je vous invite à glisser, à rentrer un peu plus dans votre corps et à visualiser vos os. Pas de manière médicale ou anatomique, mais simplement à sentir vous connecter à la texture de vos os, à votre squelette, les grands os des jambes et des bras et les tout petits os des phalanges. Traversez votre corps de la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne, puis du sommet de votre crâne à la pointe de vos pieds en restant connecté à cette matière lourde dans votre corps. Prenez une grande inspiration et une grande expiration ici. Et je vous invite à remonter sur une autre couche du corps dans celle des tissus. Ces tissus qui parcourent vos os, ces tissus qui vous parcourent complètement. Les fascias, les ligaments, les tendons, les organes et peu importe si vous ne savez pas qui et où, simplement connectez-vous à cette matière plus élastique. Cette matière qui connecte les articulations et qui assure la globalité de votre corps. De la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne, puis du sommet de votre crâne jusqu'à la pointe de vos pieds. Et je vous invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration. et nous allons nous connecter à cette matière aqueuse, assez liquide à l'intérieur de votre corps. Le sang, bien sûr, qui pulse dans tout votre corps, mais aussi les larmes, la lymphe, tous les liquides qui parcourent votre corps. Et petit à petit, visualisez que la majorité de votre corps est fait de liquide. Qu'est-ce que ça fait de vous connecter au liquide de votre corps, à l'eau dans votre corps? De la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne, puis du sommet de votre crâne jusqu'à la pointe de vos pieds. Restez connectés à cette eau. Je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et à traverser ces liquides pour arriver sur la peau, le plus grand organe de votre corps. Toute cette peau qui maintient une petite frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Cette grande surface, les endroits où la peau est plus calleuse ou plus douce. À nouveau, du sommet de votre crâne à la pointe de vos pieds et de la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne, connectez-vous à cette matière peau. Je vous invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et pour terminer ce grand millefeuille du corps, je vous invite à vous connecter à cette petite enveloppe. Imaginez comme une petite enveloppe qui entoure votre peau. Alors, c'est pas du tout une aura ou peu importe ce que ça vous raconte, mais c'est juste très concret. C'est cet endroit qui n'est pas tout à fait votre corps, mais encore un petit peu votre corps. Un endroit de passage, une grande enveloppe. Allez dans les plis et les replis de votre corps et parcourez à nouveau tout votre corps, de la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne, du sommet de votre crâne jusqu'à la pointe de vos pieds. Et prenez enfin une grande inspiration et une grande expiration. Et tranquillement, je vous invite à prendre le temps de rouvrir les yeux, d'observer l'eau dans votre verre ou dans votre gourde et d'en prendre une grande gorgée et de savourer ce moment. Et cela va être l'heure de notre feuilleton. Je n'en ai pas fini avec la mort. Résumé. Maddy est morte lundi. Ce vendredi soir, toute sa famille et ses amis se retrouvent pour préparer les funérailles qui vont avoir lieu le lendemain. Il y a JP, son ex-mari, leur fille, Rosette, Léo, sa sœur et sa compagne Péné, Armand, son collègue, Jessie, son amie d'enfance, et l'ombre de Maddy qui se tient encore tout près d'eux. La préparation des funérailles fait surgir d'anciennes tensions entre JP et Jessie. Chacun dit le poème qu'il souhaite dire lors de la cérémonie et raconte la déflagration qu'a provoqué la mort de Maddy dans sa vie. De cérémonie en cérémonie, la nuit va être longue. La nuit va être longue, c'est un feuilleton radiophonique en 6 épisodes. Nous allons entendre très très très bientôt le troisième. Il est disponible également sur mon site, ce feuilleton radio, en 6 épisodes. Et le site c'est desnouvellesdesvivants.jimdofri.com à l'onglet activisme poétique sonore. Voilà, il y a quelques pièces sonores qu'on peut retrouver, entre autres des poèmes téléphoniques et Lola Lavry. Je n'en ai pas fini avec la mort. Thriller de l'intime. Un texte de Juliette Bargès. Troisième épisode. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Ça faisait 8 ans qu'on travaillait dans le même service, Madeleine et moi. Tu étais son chef? On pourrait le croire, mais non. C'est elle qui était ma supérieure, en fait. On est arrivés quasiment en même temps, mais Madeleine était plus diplômée que moi. Oui, plus compétente aussi. On s'entendait bien. Pas un mot plus haut que l'autre. Toujours d'humeur égale. C'était un plaisir de travailler avec elle. Pour elle. À part les dernières semaines. Elle était tellement silencieuse et retirée en elle-même, on se demandait si elle était vraiment là. Je n'étais pas tout seul à penser ça. Les autres collègues aussi. Mais muette, à un point où cela en était assourdissant. Alors qu'avec moi, elle était plutôt loquace d'habitude et là plus rien. On s'entendait vraiment bien pourtant. Moi aussi, je suis divorcé. Enfin, séparé. Vous vous voyez en dehors du travail ? Oui. Parfois. Tu étais devenu plus qu'un collègue. Oui. Mais tu sais, ça s'est pas fait comme ça. Quand on a passé beaucoup de temps avec une personne, c'est difficile de reconstruire avec quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est vrai, on s'aimait beaucoup, mais que faire avec deux sauvages ? À part attendre qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre. Il faut du temps, beaucoup de temps. Des gros paquets de temps, des lessiveuses de temps. Tonnerre, au loin. Je crois que ça va tomber, ça se rapproche. Demain, en tant que délégué du personnel, je parlerai au nom de tous les collègues, de Madeleine, de Maddy. Il lève son verre, trinque avec JP et Péné, le boit et s'en resserre un autre. L'ombre de Maddy se lève pour se mettre derrière Armand et dit « Armand a été mordu par un chien quand il était enfant. Il a failli lui emporter la bouche. Il lui a sauté à la gueule. 10 points de suture au menton. Quand il se laisse pousser la barbe, il y a une zone qui reste sans poil, à l'endroit de la morsure. Armand ne laisse plus jamais rien ni personne lui sauter à la gueule, même en parole. Il attaque avant. Il aimait notre café du vendredi au bistrot du coin. Il ne savait jamais par quoi il serait suivi. Resto, direct chez lui ou direct chez moi, ou rien de plus. On ne savait pas. Et c'était ça qui était bon. Après des années de vie de couple bien organisée, chaque chose à sa place, jusqu'à savoir qui occupait à jamais quel côté du lit, c'était grisant. Combien de temps cela durerait ? Il ne le savait pas, et moi non plus. Cela va être dur pour lui, d'y retourner au café sans moi, sa Maddy du vendredi. Elle fait mine de l'embrasser. Armand regarde le fond de son verre. Au bout d'un temps, JP et Armand vont se mettre à parler ensemble, doucement. Rosette reste silencieuse, le regard perdu. Péné se lève, va se poster derrière Léo et l'entoure de ses bras. L'ombre de Maddy se rassoit à l'extrémité de la table, de dos. Ma Léo. Tu as vu Jessie ? Oui, elle est allée se coucher, enfin, je crois. Comment tu vas ? Je sais pas. C'est comme si j'étais anesthésiée. J'imagine que demain, ça va se relâcher d'un coup, une fois tout le monde parti, et ça me fait peur. C'est pas comme si... Mais plus... Je ne sais pas. Un sac de pierre. Ou enclume, ou les deux. Il reste qui ici, debout encore à cette heure ? Tous ceux autour de cette table. Les Burtins sont partis chez eux, et Geneviève, et Simon. Mais les Burtins devaient rentrer avec JP qui avait proposé de les raccompagner. Comme ça, ils laissaient leur voiture ici. Ils ont dû en avoir marre de l'attendre. Il faudra qu'on s'organise pour les voitures demain matin. Les Arroyer sont partis tout à l'heure à l'apéro. Ça a fait de bouche en moins à nourrir. Et Piotr et Silvio. Ça n'avait pas l'air d'aller. En même temps, bon... Veille de funérailles. Je crois que je n'ai même pas dit un mot à Piotr, à part « merci d'être venu ». Je vais le redire encore demain, je crois bien. Et les Vermorel ? C'était sympa de leur part d'amener un peu de nourriture. C'est bien les seuls à y avoir pensé. Adélaïde et Rita, il y a un moment déjà. Oui, quand on a décidé de s'installer dehors, finalement. On n'en est plus à un orage près. J'ai installé Samira dans le bureau, en bas. T'as bien fait. J'irai la voir avant de monter. Elle avait l'air si abattue. Elle a perdu une autre amie il y a peu de temps. Et puis il reste Armand qui boit, JP aussi, Rosette au milieu des canettes qui compte les points. C'est la première fois qu'ils se rencontrent ces deux-là. Ça doit être chaud. J'ai dit un mot à JP sur Armand pour qu'il ne s'étonne pas de sa présence ce soir. Tu aurais vu la tête qu'il a fait. Ça discute, ça se plaire, ça se mesure, mais ça va. Elle les regarde un moment en silence jusqu'à ce que le ton monte entre eux deux et que JP balance son verre par terre. Ah non, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Ah écoutez, vous pourriez au moins faire comme si, ce soir en particulier. Comme si quoi? Comme si youpla boum tagada soin soin? Il y a des gens qui dorment, on est tous épuisés. Vraiment, c'était juste ce que je voulais entendre ce soir. Maintenant, au moins, je sais à quoi m'en tenir. Épargnons-nous. Et si tu chantais? Son fort intérieur. Et si tu chantais? Et si tu dansais, là, sur la table? Ben oui, il serait bien obligé de s'arrêter. Il serait obligé de penser à autre chose. Il serait obligé de te regarder. Il serait obligé de t'écouter. Et toi, alors toi, eh bien, tu dirais, enfin, chut, ça suffit. Madi a toujours été un bon coup, comme on dit. Vivante, riante, joueuse, affamée. Juppé, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. J'aime me la rappeler, comme ça. Toi aussi, Péné, tu aurais aimé. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire après tout? Tu es complètement sourd. Et oui, qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant, tout ça est fini. Et il ne reviendra plus. La mort. Pourvu que je vive jusque-là. JP, on peut accélérer les choses si c'est vraiment ce que tu veux. J'en ai toute une série de ces phrases. Une vraie obsession en ce moment. On se demande bien pourquoi. Faut que j'arrête de boire. Je n'étais pas le seul. Ah ça oui, il y avait moi. De temps en temps, histoire de ne pas perdre la main, enfin, pas que la main. Même divorcé, on a continué. De temps en temps, on a toujours eu le sexe. Joyeux, festif, sans chichi. Il y en avait d'autres en plus de vous, de toi? Au point où on en est, autant se tutoyer, vous avez raison. Je vais vous lire le poème que je vais lire demain. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Hugo. Il manquait, c'est vrai. Merci, Armand. Et tu n'aimes pas Hugo? Tu n'aimes pas ce poème? Ben si, je l'adore même. Je l'avais appris en classe. Depuis, j'en ai pas appris d'autres. C'est dommage. En fait, la poésie, ça peut toujours servir. Pas seulement pour les enterrements. Ouais, faut croire. Demain, c'est pas JP qui va commencer. Non, mais de quel droit? Ce sera pas moi non plus. La famille d'abord. Léo. Ouais, Léo, la grande petite sœur. Après, ben moi, non, Rosette d'abord. Je croyais que tu t'étais couchée. Ouais, ben non, finalement j'y arrive pas. L'ordre des passages, ça se déchire étonnamment. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et pourquoi pas profiter de l'aubaine pour déchirer un peu plus les ourlets, passer aux ciseaux, à la cisaille même, enfance meurtrie, rancœur, jalousie, frénésie, bref... L'arsenal, rien d'inventé sous le soleil. Il n'y a qu'à voir, chez les Grecs, Romains, Indiens, Germains, Mérovingiens même, tiens. Je nous revois. On a quoi? 7-8 ans. On a volé des bonbons à la boulangerie. On ne sait même pas que c'est du vol, enfin, presque. On s'est servi. On repart avec notre butin jusqu'au grand champ. On fait notre camp au pied du cerisier. Ils ont une meilleure saveur que les autres, ces bonbons volés. On reste longtemps appuyé au tronc du grand cerisier. L'ombre de Maddy se lève et se rapproche de Jessie lentement. Sa ramure nous fait un abri. On regarde longtemps bouger les feuilles dans le vent, baignées par les éclats de lumière. J'ai pour la première fois la sensation d'exister. Vivante. Toute cette vie à vivre devant nous, cette liberté. Tout était possible. Tout pouvait être vécu, tout était à vivre. Avec toi. Quelle vérité. Cette liberté m'a empoigné le cœur à pleine main. Cette sensation, je l'ai eue à tes côtés, maman dit. L'ombre est tout à côté de Jessie, comme si elle pouvait la toucher. S'avançant au milieu du jardin. Tiens, une goutte ou je rêve? Alors moi, je commencerai comme ça, par ce poème-là. Il a été écrit par Ingeborg Bachmann, l'ami de Paul Celan. Vous, les mots, allons, suivez-moi. Et quand même nous serions loin déjà, trop loin aller, plus loin encore, et à n'en plus finir, ça ne s'éclaircit pas. Le mot derrière soi entraînera seulement d'autres mots, la phrase d'autres phrases. Ainsi voudrait un monde définitivement s'imposer, être dit. Ne le dites pas. Mots, suivez-moi. Que ne soit pas définitive, non, cette soif de parole. Et dit sur contredit, faites un moment qu'à cette heure ne parle aucun des sentiments. Que le muscle du cœur s'exerce à autre chose. Faites ainsi, ai-je dit. Que rien à l'oreille suprême, rien, dis-je, ne soit murmuré à la mort. Ne te souviens plus de rien. Allons, derrière moi, ni doux ni amer, pas réconfortant mais ne désignant pas sans réconfort, donc pas non plus sans signe, et pas cela. Dessin dans le tissu de la poussière, vingt roulements continus de syllabes, mots expirants, pas un traître mot, vous, les mots. Ta mort est un buisson de ronces auquel je m'accroche sans cesse. L'ombre de Maddy se poste sur le seuil, tandis que devant elle passe Jessie, qui rentre la tête basse, suivie par Léo, Péné et Rosette, avec des affaires de la tablée. Des mots, des mots, des mots. L'ombre dit. Jessie aurait aimé être basketteuse. Elle aimait tout. Les entraînements, les vestiaires, les trajets en bus, les coéquipières. La dureté granuleuse des ballons, la buée dans les douches, les casiers qui ferment mal, les traits de couleur pour marquer le terrain de jeu. Elle n'a pas continué. Travailler et faire des études lui prenait tout son temps. Elle a enchaîné les petits boulots jusqu'à trouver un poste d'éducatrice pour jeunes enfants. Elle est patiente avec eux, elle qui bouillonne tout le temps. Elle aime jouer, ah ça oui. Surtout, ce qu'elle aime, c'est jouer. Elle a enchaîné les hommes, les coups d'un soir. Elle a des amis. Des amis, c'est tout ce qui compte. Elle avait l'habitude de m'appeler au téléphone presque tous les jours. Jessie, c'est l'amie. L'amie de toujours. Troisième épisode, où je n'en ai pas fini avec la mort, thriller de l'intime de Juliette Bargès, enregistré le 15 décembre 2024 au Choc Théâtre à Saint-Étienne par Mohan Besson avec Alain Besset dans le rôle de JP, Dominique Chenet dans le rôle de Jessie, Sabrina Laure dans le rôle de Léo, Juliette Bargès dans le rôle de Péné, Yann Mercier dans le rôle d'Armand, Maude Thérillon dans le rôle de Rosette, Emily Weiss dans le rôle de Maddy, Didascalie, Juliette Bargès. Mixage, Mohan Besson et Juliette Bargès. Musique, Mumbling Tom, extrait du morceau Wave Goodbye. Elle a pas démarré la platine, je l'ai pas mise, je sais pas, je croyais qu'elle était en marche, mais elle marche pas. Bon, alors, et comme le logiciel a planté, on se retrouve un petit peu dans la panade. Alors, j'avais un texte que j'ai planté aussi. On peut continuer avec Juliette. Est-ce que ça va? Mais ça se plante pas, un texte. Tu le plantes pour qu'il pousse ou c'est quoi? Mais je sais pas, Julie, aidez-moi. On va l'arroser, peut-être ça va faire des bébés textes après. Oui, oui, voilà, mais voilà, je suis désolé, j'ai mon logiciel qui a planté. En attendant que Sophia s'y retrouve, je vous propose de juste vous donner peut-être les références des musiques qu'on a eu le plaisir d'entendre aujourd'hui. Alors, nous avons entendu Juliette, la complainte du progrès, puis Brigitte Fontaine dans ma cuisine. Nous avons écouté Dominique à Exit, Jardin de pommes. Nous n'avons pas écouté Alain Souchon, L'amour à la machine, vous vous rattraperez. Nous n'avons pas écouté Chapelier fou, Allez l'eau qui fait le torrent. Et nous avons essayé de vous passer un disque vinyle très vintage, c'était magnifique, Joe Cocker, She Don't Mind. Alors, je laisse la parole à Sophia qui va prendre le mot de la fin avant de vous donner l'agenda et le petit teaser de notre prochaine émission. Vous êtes toujours sur Radio Audio avec les baladeuses. Tout était arrangé, rien ne dépassait, tout était bien rangé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça. Une vie bien rangée. Et puis, je suis arrivé et j'ai commencé à prendre ça, à le déplacer là, à jeter ce vieux truc moisi là. Non, franchement, non, mais ça vaut pas le coup de le garder, ça. J'ai rangé ailleurs. J'ai dérangé. Mais franchement, si je peux parler honnêtement et vous faire un aveu stupide, jamais, jamais, jamais je n'aurais cru que cela pouvait être aussi gênant que d'être dérangé. Oui, je sais, ma façon d'être en bordel tout le temps comme ça, ça vous plaît pas. Mais je me suis planté, j'ai perdu mes textes. Mais en tout cas, voilà, je ne savais pas ce que ça pouvait faire que d'être dérangé comme ça. Je le sais, je le sais. Voilà. C'est parce que j'ai commencé par la deuxième page au lieu de commencer par la première. Mais c'est une catastrophe, cette fin d'émission. Alors, le mois dernier, on avait raté. Le mois dernier, j'avais raté le début. Là, je rate la fin. C'est pas mal, hein. Oh, mais c'est pas que de ta faute. C'est que tu sais, du direct. Mais aussi, oui. Hein. Et puis quand on fait du ménage, eh bien quelquefois, on range tellement bien que oui, qu'après on retrouve on en plus perd les affaires. Voilà. Eh ben oui, non, mais alors moi c'est courant. C'est pour ça que je range jamais rien. C'est parce que je trouve pas si je range. Alors je sais plus où c'est rangé. Alors, voilà. En tout cas, ce qui est bien rangé, c'est l'agenda de Juliette qui va nous communiquer quelques dates à ne pas manquer. Oui, grâce au site internet des théâtres Le Verso et Choc Théâtre. Alors, dès ce soir au Verso, on a Kant, un texte de John Foss, un dramaturge norvégien, qui est mis en scène par la compagnie La Peau de l'Ours. Et ce soir et demain, il reste encore des places, mais en fin de semaine, ça va être plus compliqué. Il y aura aussi « Quand tombe la nuit », un spectacle très jeune public pour 3 ans de la compagnie Scolopendre, compagnie stéphanoise, comme la compagnie La Peau de l'Ours, le 2 avril à 14h et jeudi 3. Alors voilà, c'est début avril, 2, 3, 4. Allez voir sur leur site. Il y aura aussi le cabaret des Indociles, le 10 et 11 avril à 20h, de la compagnie Le Théâtre Marguerite. Et enfin, tout fin avril, le 24, la comédie lit le théâtre, donc c'est une pièce contemporaine d'un auteur ou d'une autrice qui est lue par des élèves de la comédie de Saint-Étienne. Et enfin, au Choc, on a ce soir en fin de semaine, jeudi et vendredi, Victor Hugo, toujours de la compagnie du Vieux Forum. Plus tard, 3 avril et 4 avril, Si elle, ça c'est le titre du spectacle, qui mélange théâtre, musique et poésie du collectif Ici Même. 11 avril, cela sera la scène ouverte. Et enfin, 17 et 18 avril, Le Vent et l'âme de la compagnie La Baraque. Oui, et si je peux rajouter un truc, si vous ne faites rien ce week-end, à Noir et Table, voilà, vous pouvez venir à 15h30, il y aura un spectacle de clown, hydro-clown, sur le problème de l'eau. Oui, mais voilà. C'est quand ça? C'est pas le 6 avril hein? Non, c'est quand? C'est le 6 ou c'est dimanche? C'est lundi, c'est samedi. C'est samedi. Donc samedi prochain. Non, samedi qui vient là? Samedi qui vient, le 30 mars. Le Ah oui. Bon, à vérifier. Okay. En tout cas, les baladeuses vous retrouvent pour leur prochaine émission le 30 avril. Et ça sera... Ah non, c'est en avril, c'est en avril, c'est vrai. Et oui, les prochaines émissions, en tout cas, ce sera le silence. Faut rire à Radio Dio. Il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux se taire plutôt que de dire n'importe quoi ». Ah oui, tiens, je ne le connaissais pas celui-là. Rendons l'antenne. Il est temps de rendre l'antenne. On va rendre l'antenne et on se retrouve la semaine prochaine, dans un mois, donc le 30 avril. 30 avril de 10h à 11h. À 11h30, oui, vous chuchotez, je vous entends que vous chuchotez que c'est le cinquième mercredi du mois, alors que normalement, les baladeuses, hein, on avait dit que c'était que les quatrièmes samedis du mois. C'est voilà. Notre petit poisson d'avril. Voilà, c'est notre poisson d'avril du jour. Donc, Juliette, merci. Julie, merci à toi. Sophia, merci à toi. Merci. Merci à Radio Duo, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se redit dans un mois. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant.